Salut, salut à tous. Bienvenue dans le Poney Cosmic Club. Avec aujourd'hui un numéro un peu spécial vu que c'est la fin d'année, on va revenir donc faire une petite rétrospective de l'année en cours, des films qu'on a aimés et des films qu'on a trouvé un peu trop surcotés. Mais enfin ça, on en reparlera plus tard. Je suis avec, Je suis avec mon ami Nio. Tada. Et je suis avec mon ami Gaudi. Et El Catou qui est derrière la caméra. Et voilà. Donc El Catou, dis-nous donc sur quel film on va revenir, en tout cas sur tous ceux qu'on a vus cette année, de quel film on va parler. Alors tout d'abord, on va aborder les films qu'on considère survendus. Ouais. C'est vrai qu'entre nous, on avait parlé des veuves par exemple. Ah ça. Franchement, qui veut commencer? Qui veut commencer? Parce que moi, franchement, si je commence, ça, je vais être très méchant. Alors, je vais commencer un peu, mais je ne serai pas non plus du côté des gens qui vont défendre le film. Je serai un peu plus gentil que Nelson. Ouais. Mais pour moi, l'impression est négative, les veuves. Venant Steve McQueen, qui est un cinéaste très carré, on pouvait s'attendre à quelque chose de plus subtil au niveau de l'histoire, qui enchaîne des invraisemblances. Et des trucs gros comme une maison. Après la mise en scène, l'ouverture et la fermeture du film, nickel, pas mal. Mais on pouvait attendre beaucoup mieux Steve McQueen, donc c'est une grosse déception quoi. Nelson, toi ton avis? Alors moi le truc c'est que c'est le premier film que j'ai vu de McQueen. Ah. J'avais pas vu Hunger, j'avais pas vu celui d'avant. Twelve Years of Slave. Super film turc. Exactement. Turkish 12 Years. Non, en tout cas, 12 Years of Slave, je l'avais pas vu. Ça m'avait pas intéressé, ça m'avait pas parlé. Donc, du coup, je me suis dit, je vais commencer par celui-là et après, on va explorer les autres. Mais franchement, celui-là m'a pas donné envie du tout. C'est-à-dire que le rythme du film est extrêmement inégal. Le scénario, il n'y a pas un seul moment où on a de l'empathie pour les personnages. L'ouverture encore, si tu veux, l'ouverture elle est carrée, il y a quelque chose, mais franchement, le film, le climax du film ne sert à rien, la préparation même de l'opération, c'est mal géré dans le montage, il y a des séquences où je comprenais absolument rien, donc pour moi, il est clairement surcoté, et je n'ai vraiment pas aimé ce film, vraiment pas, je me suis fait chier pendant, il fait quoi, 2 heures? Ouais, 2 heures. Pendant 2 heures, alors que j'avais vu des critiques où le jeu était dithyrambique, quoi. Je disais, mais c'est super, c'est un très bon film. Non, je me suis fait chier pendant 2 heures. Le scénar, n'est vraiment pas terrible. Il est convenu, tout est convenu. Il y a peut-être... Le cliffhanger est quand même un peu abusé, quoi. Tu vois pas forcément venir. Mais franchement, si. Malheureusement. Tu veux dire, est-ce qu'au moment où elle entre dans l'appartement et c'est suggéré... Le chien qui gratte à la porte. Ça arrive genre une minute avant cliffhanger. Donc, Nelson serait d'accord avec moi, il y a une espèce, on va pas spoiler, il y a une espèce de Deus Ex Machina qu'on voit venir dans le film au milieu, et ça loupe pas, et ça te plombe tout le film, il n'y a pas besoin d'avoir ce truc... Puis même le personnage de Viola Davis, sur le fait qu'elle... Enfin, la manière dont elle en veut... Enfin, elle en veut à son mari, on va pas dire pourquoi... Mais le prétexte, c'est expliqué dans le truc, mais c'est pourri. Ouais. Le mec, il y peut rien. Et ça, franchement, c'est le truc qui gâche tout. Et il y a plein de séquences que, coupé au montage, ça casse le rythme. Toutes les parties qui sont pas intéressantes, enfin du moins, qui sont pas importantes, elles durent des plombes. Et toutes celles qui sont importantes, elles sont... Allez, expédié comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé, Willy? Oh là, comment je suis pris à partir d'un coup. Mais c'est bien dit, mon cher ami Canin. Je serai un peu moins dur que vous, parce que ce que j'apprécie, c'est surtout le côté un petit peu... tout l'hommage au film de gangster et tout, à Scorsese, et du coup, effectivement, c'est vu et revu, mais ça fait plaisir. L'aspect social aussi. Ouais, social est encore... Ouais. J'ai pas trouvé, franchement, qu'il y avait un hommage, pardon. Parce qu'on en a parlé... Ça prend vachement que les films de gangsters. Franchement, j'ai pas du tout. Par contre, effectivement, j'ai entendu dire que c'était un film anti-Trump. Ça, j'ai pas trop capté. Il y a un noir qui se fait. Dessus par les policiers. Mais tu dis, c'est l'Amérique, quoi. C'est Charlie Gambino, quoi. Je veux dire, ça parle du Trump pour être comme ça, quoi. Ouais, mais alors, c'est peut-être dans les séquences avec. Comment il s'appelle? Robert Duvall. Tu tu vois. Ouais. Mais c'est quoi ça avec Robert Duval? C'est peut-être. Ouais. C'est, oui, il dormait en plus. Ouais, mais non, mais. Mais c'est vrai, il dort dans le film, donc il ouais, est dormeur Duval. Il dort dans le Duval. Non, mais c'est vrai. Connard. J'y ai pensé aussi. Non, ah, je suis fier de moi. Cas... Je peux avoir un big up. Non, en tout cas, le truc, c'est que. Ces séquences à lui, tu sais, comme il est très conservateur, etc., c'est peut-être ça qui va le marquer, mais sinon, franchement, un anti-Trump, moi, j'ai pas trouvé, quoi. Ouais, effectivement, il y a l'aspect un petit peu satire sociale, je trouvais ça sympa qu'il renvoie dos à dos les noirs et les blancs, il est pas, je trouve, enfin, contrairement à toi, je trouve qu'il prend pas trop parti. Il aurait pu effectivement présenter juste les noirs comme opprimés par les blancs, et en fait, oui, on pensait que. Il les met un peu égalitaire. Finalement, il y a vraiment effectivement une division en fait, de la criminalité. Il y a la criminalité à col blanc et la criminalité mais de la rue. Quoi. Que ce soit des blancs ou des noirs, ils montrent tous les deux que c'est des pourris d'un côté comme de l'autre. Quoi. Carrément, donc ça c'est qu'il ouais. En même temps, on pourrait trouver que c'est pas très fin non plus. Quoi. Ouais, mais bon, Colin Farrell dedans, tu vois que le mec il essaie d'abandonner le bordel, et puis qu'au final, le mec peut pas échapper à son destin. Quoi. C'est ça. Voilà. Enfin. Sinon, on va une dernière chose. Bah, ce que j'ai précisé dans le film, c'est les. C'est le côté un petit peu audacieux en termes de mise en scène. Alors c'est léger, mais c'est très léger. Ouais. Non mais pour moi le cinéma américain est complètement complètement flingué à ce niveau-là. C'est pour moi on est genre comme dans les années 50, c'est-à-dire que le cinéma américain n'arrive pas du tout à se renouveler. Ils sont vraiment obligés de choper des réa européens ou comme Waititi était haïtien, je pense. Il était pas haïtien. C'est Nouvelle-Zélande lui. Néo-Zélandais pardon. Et des petits gars qui ont des profils un peu différents pour renouveler, pour donner de l'oxygène. Et ça se voit notamment, même si j'avais pas su, j'aurais su que c'est un réa européen, parce que t'as des plans, notamment t'as un plan donc, sur la limousine du politicien Véro qui fait des grands discours, tout ça dans le ghetto, et t'as cette limousine qui passe en plan séquence du ghetto à son QG, et tu passes du ghetto au beau quartier. Et c'est un plan fixe, et ouais. C'est super rosé, et tu vois, il parle franchement, ce là. Je trouve ça va, et c'est vachement, c'est brillant, et c'est pas du tout ce qu'on attendrait de réalisation genre de tes films, comme Bohemian Rhapsody, comme Halloween, comme plusieurs films. On va parler de Bohemian Rhapsody, on va en parler justement. Bohemian Rhapsody, il est aussi dans nos films survendus de l'année. Ah bah. Quel talent. Ah bah là, ça va être rapide, c'est un best-of à l'image. Et qui reste trop consensuel justement pour le résultat final. Donc autant acheter le best-of Platinum 3 CD de Queen. Parce que côté créatif pour montrer Queen, c'est vous juste taper des pieds pour y voir un Q ou d'autres trucs ou vers Champion. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu te dis putain, un documentaire aurait été beaucoup plus pertinent ouais. Là-dessus. Ouais, quoi. Ouais. Après, l'interprétation de Rami Malek, elle est bonne quoi, l'interprétation de Rami Malek. Là, moi je trouve qu'il montre un peu trop ses dents, il montre un peu trop ses dents, ouais. Ils en jouent un peu trop dans le film. Mais vous avez dit, il y a eu un clip avec Freddie Mercury, il a des crocs quoi. Ouais, mais c'est... Plus que toi encore. Mais est-ce qu'il fallait que le film insiste un peu trop là-dessus quoi? Parce que vraiment, c'est le film, on a l'impression qu'il insiste carrément dessus. Mais complètement. Complètement. Mais même le jeu, il est à outrance, le gars, on fait des caisses. Il explique bien que c'est justement si Freddie Mercury, il a une voix quand même très spéciale, c'est en grande partie parce qu'il y a une espèce de mâchoire comme ça fait l'avancer. Enfin bon, je sais pas si c'est vrai, je connais rien en. Théorie de la musique, on en. Non, bien sûr. Mais apparemment, c'est parce que tu vois, il a une caisse de résonance, il a un truc qui lui permet de faire, je crois, deux octaves entières ou un truc comme ça. Il tenait deux octaves de plus. Et donc, voilà, c'est quand même aussi en rapport, c'est pas juste une anecdote, c'est quand même en rapport avec toute sa musique. Quoi. Ouais, mais vraiment, il a un profil atypique. Mais c'est parti de l'aspect best-of, justement, c'est cité dans le film. Et c'est à peu près une anecdote, on aurait voulu voir plus de tout le moment de création que pour Galiléo, pour. Ouais. Il y a d'autres musiques de Queen qui sont fabuleuses. Il y a un de mes amis qui me disait. Putain, j'ai même pas entendu Prince of the Universe, etc. Moi, je disais, peut-être qu'il sera en générique de fin. En fait, non. Non, et puis même, pourquoi faire la dernière séquence, quoi. Passe des trucs, voilà, pourquoi faire la dernière séquence, putain là, Alors ça s'explique, il n'y a pas d'innuendo aussi. Ouais, parce que Live Aid, c'est en 85, il reste encore 7 ans à Queen. Exactement. Il sort encore 4 albums entre-temps, quoi. Voilà. Il n'y a pas tous les clips en noir et blanc qu'ils ont fait à la fin de sa vie parce que Freddie Mercury ne pouvait pas passer en couleur à cause du sida et tout. Et son concert avec. Je me souviens son nom. Montserrat Caballé. Voilà, mais je sais pas qu'on en souvient. Mon placard à balai en fait. Un voilà. C'est pas très respectueux, mais. Non, mais bon. Pourquoi je parlais de ça? Oui, parce que Bryan Singer, il voulait que ce soit effectivement le climax du film parce que tout devait porter à justement Another One Bites the Dust et. Show Must Go On, etc. C'est-à-dire que c'était vraiment un combat, il s'est combattu toute sa vie contre sa famille, il a combattu toute sa vie contre les préjugés, etc. Et à un moment, ce qui le fait revenir sur scène, c'est le Live Aid. Ouais. Et donc tout le film devait Plus ça attend, c'est Bryan Singer, évidemment, il est homo, et c'est un récit préféré personnel. Sacha Baron Cohen aussi, ça, il est beaucoup en parlé. Ouais. Et dans le film, en fait, comme il a été viré deux semaines avant, je crois que c'est pour différents créatifs avec Queen, si j'ai bien compris. Et donc il y a toute une partie qui est amorcée. Et puis c'est coupé. Créatif, c'est le c'est amorcé, c'est pour coupé. Dire qu'ils n'ont pas été d'accord avec sa vision trop personnelle. Quoi. Ouais, ouais. Mais c'est marrant. C'est Bryan Singer. Les mecs restants de Queen. Quoi, d'accord, ouais. Oui, c'est assez marrant comme en plus les membres de Queen se présentaient comme des petits anges. Hein. Globalement, c'est bah ouais, complètement. Il le voit. En plus. Pas grand, c'est une grosse débauche. Hein, Mais non, mais en plus. Et ils sortent. Oh non, vraiment, tu sais, on peut pas se faire. Mais c'est ça, mais c'est vrai. C'est ce qu'ils disaient quand Sacha et Baron Cohen devaient faire le rôle de Freddie Mercury. C'est que, en fait, le groupe voulait pas que ce soit à propos de Freddie, mais que ce soit à propos du groupe en lui-même. Donc, effectivement. Sauf que là, c'est un peu le genre de Freddie, là. Mais c'est, et en plus, c'est ultra suggéré le fait que les autres, ils aient une vie un peu de débauche. Que, c'est ça. Et voilà, ils font juste passer des petits message en sous-texte, genre que l'autre, le blond, là, j'ai oublié son blaze, le mec, il trompe sa femme, Ouais, donc il y a pas de. C'est juste suggéré. Donc en réalité, c'est vraiment fixé que sur. Comment il s'appelle, Freddie Mercury. Quand je vous en entends parler, en fait, j'ai l'impression que c'est un espèce de règlement de compte du groupe de dire attendez, nous, on était vachement bien, Freddie, c'était l'idole, mais c'était pas autant que ça. Enfin, j'ai l'impression. Je sais pas. Mais en tout cas. C'est lisse. Voilà, mais le film, franchement, il est surcoté de fou. Puis les séquences, genre où il trouve les morceaux, qui en plus, c'est les morceaux les plus connus, dans One Bite the Dust, etc. C'est la pensée magique, quoi. Les mecs, ils s'engueulent et l'autre derrière fait de la basse. Attends, c'est bien ça, vas-y, on va faire ça. Alors que c'est pas comme ça que c'est. Mais voilà. Globalement, tout est facile, quoi. C'est-à-dire qu'il passe du côté bagagiste. Ah, mais ça, il y a ça beaucoup dans les séries. Hein. Oui, mais tu vois, en fait, c'est vraiment un récit à rebours. C'est le récit de Jésus, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Et c'est super. Genre, le mec, il est né le lendemain, il marche sur l'eau, tu vois. C'est ça, c'est Jésus, quoi. Il passe de bagagiste, paquis qui galère, qui est absolument pas respecté par son père et tout, à rockstar en 5 minutes, quoi. Il y a juste un moment, il y a un type dans le public qui lui dit, le paquet et tout, et puis c'est bon, c'est réglé, quoi. Ouais, voilà. Alors qu'en vrai, bon, je pense qu'il imagine qu'il y a du et puis la première, et juste un truc, la première séquence, franchement, si jouait un biopic sur Mick Jagger, ça passerait nickel parce qu'il a la gestuelle et tout, ouais. Mais sinon, non, ça passe pas. En fait, Rami Malek, il en fait des caisses, quoi. Alors, voilà. Un dernier truc aussi, en fait, pour vraiment savoir la vérité, il faudra peut-être voir les bonus du film quand ça sortira. Et si c'est des bonus, genre, oui, mais machin fait un travail formidable, machin, etc., ils sont tous en train de se trouver congratulés, tu fais, ouais, bah non, bah laisse tomber. Bah, c'est un documentaire, c'est tout. Un film où Réa a été viré, ce qu'a priori tout s'est pas super bien passé. Ouais, mais je trouve que ça, quand même, émotionnellement, ça marche quand même pas si mal le climax. Il y a un truc. Moi, je sais pas quoi. Il y a un truc. Ce qui casse, c'est le côté un peu pupute de. Non, c'est vrai, c'est putassier de montrer tous les gens qui. C'est mignon ça, pupute. Ouais, c'est mignon. Non mais montrer tous les contre-champs sur les gens qui font oh, c'est super et tous les dons, c'est à dire que tu te dis putain enfin, c'est chaud quand même vous donnez parce qu'il y a un petit qui chante bien ouais. Sinon vous laissez un peu qu'à mourir les dons montent genre avec le mec en plus enfin le gars il a une sale gueule ouais, apparemment c'est que grâce à Queen que les dons montent t'as envie de dire sérieux quoi et en plus c'est totalement faux parce que le live elle justement il a pas rapporté grand chose et ils se sont rattrapés après mais donc il y a quand même un côté vraiment un peu putassier et ultra commercial passons bref donc notre troisième film et dernier film pour les films survendus de l'année c'est Hôtel El Royal. Ah ouais. Alors, c'est ça le temps l'Hôtel El Royal vous l'avez vu tous les deux? Ah moi je l'ai vu Ah ouais. Mais moi je trouve qu'il est quand même beaucoup moins survendu, même s'il a été survendu, il est beaucoup moins survendu que déjà que Les Veuves qui étaient attendus parce que c'est Steve McQueen, que Bohemian Rhapsody qui était attendu par beaucoup de gens, là moi y compris aussi, parce que voilà. Et moi mon truc, dans mon cas j'ai bien aimé le film parce que je suis allé sans voir aucune promo, j'ai rien vu bande annonce, c'est ce que je fais déjà plusieurs années, je ne vis plus rien sur les films, c'était pour vous me gâcher la surprise, pour plus avoir d'attente à considérer, parce que Star Wars, ça m'avait bousillé un peu l'attente, Star Wars. Donc moi de mon point de vue. J'ai bien aimé le film. Après, je suis conscient que c'est pas non plus le film de la décennie, ni rien, etc. Je pense que dans un an ou deux, j'aurais déjà oublié. Il y a déjà des trucs que j'ai oublié du film déjà. Ouais, complètement. Et après, j'ai bien aimé parce que justement, comme je disais, j'en savais rien, tout ça. J'ai aimé. Dans les critiques, Nelson va peut-être rebondir dessus. Il y a eu les critiques souvent qu'on a dit du sous Tarantino. Moi, j'ai vu des films qui étaient sous Tarantino carrément. Et comme j'en ai un peu parlé à Nelson avant qu'on commence l'émission, ouais. Le problème de Tarantino par exemple c'est les dialogues. Et ça a le temps, Lando Royale ne peut pas concurrencer Tarantino sur ce plan, les dialogues, on ne peut pas comparer déjà. Ensuite, la mise en scène, Tarantino, il peut faire une mise en scène très carrée quand il veut faire de l'action comme Kill Bill. Ouais. Et ça, le temps et la Royale, c'est surtout sur le montage, sur les plans, etc., qui va jouer là-dessus, quoi. Mais sinon, la mise en scène, elle n'est pas non plus extraordinaire. Et enfin, quelque chose qui est cher à Tarantino, qui est les cartons. Mmh. Bon, ça, oui, effectivement, mais Tarantino, c'est pas le seul qui le fait. C'est celui qui est le plus popularisé pour le grand public. Parce que le grand public ne connaît pas Godard, donc Tarantino est fan. Et voilà, mais sinon, c'est pas quelque chose de nouveau. Lars von Trier, pour The House That Jack Built, on va en parler après, on reprend aussi ce principe de carton avec premier meurtre, deuxième meurtre, troisième meurtre. Donc voilà, après. Et dis-nous le titre, comment il s'appelait le. The House That Jack Built. Built. Ah, c'est mon assassin. C'est ça qui fait Franco-Glish. Donc voilà, donc rien de révolutionnaire, rien de nouveau, mais. Et puis, je serais un peu moins difficile parce que c'est pas son. C'est pas non plus comme pour Steve McQueen, son 6ème ou 7ème film. Là, Drew Goddard, il avait juste fait avant La Cabane dans les Bois. Donc, et puis, c'est aussi un film un peu à twist pour La Cabane dans les Bois. Après, si on n'aime pas La Cabane dans les Bois, justement à cause des twists, et qu'on n'aime pas ça, le temps Hôtel Royal, justement à cause des twists, c'est trop super, ça, je peux comprendre. Ça, c'est subjectif. Ça, c'est justement ce que Nelson va nous dire qu'il a peut-être pas trop apprécié avec les twists et du le problème, c'est. Donc, voilà, moi, mon avis, c'est positif, sans, en reconnaissant quand même que c'est pas non plus le film du siècle. Quoi. C'est un bon moment. C'est Twist à Saint-Tropez, le bordel, hein, parce que franchement, voilà. Moi j'ai, enfin, de tout le film, franchement, le truc fait quoi, 2 heures? Ouais. Moi, c'est juste la fin que j'ai trouvé un petit peu gros, le twist final de la fin. Mais franchement, de A à Z, c'est prévisible. Ce film est trop prévisible. Et ça, le problème, c'est que ça me... Moi, c'est pareil que, comment il s'appelle le film dont on parlait avant, Bohemian Rhapsody, et même, c'est pareil que Les Veuves. Il y a trop d'invraisemblance qui te sort du récit. Et moi, le problème, c'est que le film en est truffé. J'ai pas un moment, je regardais le prêtre, je me dis, ok, alors lui, il va, c'est, lui, c'est pas un traître. C'est pas un prêtre. Ça, on s'en doute un peu dès le début, quoi. Non, mais tu sais, mais même quand il va voir la Renoir, je m'en fous, je spoil, mais quand il va voir la meuf, la chanteuse de Casino, et. Tu sais que la meuf, elle se doute de quelque chose. Ouais. Donc, tu vois, le seul truc qui m'a surpris, c'est quand elle lui a filé une patate avec la bouteille. Sinon, tu vois, je m'attendais à ce qu'elle l'empoisonne, en tu fait. Vois, tu vois, le film a quand même réussi à te surprendre un peu. Ouais, mais franchement, c'est quoi? C'est juste quoi? C'est une bouteille dans la gueule, quoi. Voilà, par contre, il y a un truc. On se parle un peu trop. Il y a un truc où, j'avoue, j'ai été surpris. C'est Dakota Johnson qui se mange un coup de fusil. C'est tout. Sinon après tout le reste. Là nous spoilons un peu trop là. Ouais bon ça c'est pas grave. De toute façon, les gens, le film il est plus en salle donc ils vont le voir en DVD ou en VOD. Mais le truc c'est que quand tu vois. Sinon tout le reste est ultra prévisible. Bah du coup tout le reste. Moi c'est même pas la solution coup, à la c'est fin. C'est quand quoi. Il y a un agent du FBI qui lui se prend un coup, tu vois ce que je veux dire. Là c'est vrai que j'ai été surpris quoi. Bah non mais même pas parce que je regardais le truc, je me suis dit Non, même pas, parce que quand le mec il arrive, qu'il fait du zèle, alors il tape à la porte et il dit ouais, tu dis que la meuf elle va tenter quelque chose, mais qui va se manger un truc vénère quoi. Mm. Alors en fait, le gars il claque et en même temps, comme il parlait trop, moi sa gueule elle me disait rien, donc comme il parle trop, le gars, je me suis dit lui il va sauter. Voilà. C'est le premier qui va sauter. Pour terminer, je suis quand même content parce que le film t'a surpris une fois ou deux comparé aux veufs qui t'a pas été surpris. Donc il y a un léger plus quand même. Ouais mais encore, franchement le montage, le machin, mais et puis comment il s'appelle l'autre Chris Hemsworth en espèce de. Voilà, miscasting. Ouais, franchement, c'est l'erreur complète de casting. Juste une dernière chose, vous savez pourquoi on dit toujours que c'est Tarantinesque, c'est un disciple de Tarantino ou un truc comme ça, ou c'est juste les prods qui ont vendu comme ça le film? Mais même, je crois que même, j'ai même pas vu qu'il a vendu comme ça, peut-être les critiques qui ont dû dire ça. Parce que la bande annonce, la bande annonce peut vendre comme ça. Je crois que les critiques qui ont dû. Moi, j'ai rien, juste vu l'affiche qui disait Super Polar, un truc comme ça, l'affiche, les critiques sur l'affiche. Mais après, Tarantino, il y a eu une vague de films qui ont suivi Tarantino. Moi j'en ai un en date que j'ai pas du tout aimé, et pour moi qui est du sous Tarantino, c'est Sans Compromis avec Forest Whitaker qui vient payer ses impôts, et Bruce Willis qui est en mode t'en as rien à foutre, et Malin Ackerman qui est détestable du début à la fin. Mais Malin Ackerman est toujours détestable. Bah c'était édité par Metropolitan, c'est un des rares films sur lequel je peux taper. Donc pour moi c'est du sous Tarantino, mais vraiment sous Tarantino avec le montage, avec les titres en gros comme dans Kill Bill, etc. Ouais. Et tu vois qui se mettent sur l'écran, tu fais oh putain, arrête, tu pompes Quentin là, Quentin. Mais Quentin a pompé tout le monde. C'est le cercle de la C'est ça, mais Quentin a su un peu trouver sa voix à travers le montage. D'ailleurs, les Léo de Tarantino, si on les aime, c'est parce qu'ils arrivent à faire des Léo compiles qui sont une identité. Ouais, qui ont une identité, oui, ça je suis d'accord. Voilà, voilà. Du coup, on passe aux bonnes surprises de l'année et on a ce, le film dont on parlait tout à l'heure, The House That Jack Built, de Lars von Trier. Ah là, par contre, je vais leur laisser parler parce que moi, je l'ai pas vu. Allez-y, messieurs. Alors, eh ben, peut-être El Gato qui va en parler un peu aussi. Bah oui, en fait, c'était... Oui, effectivement, moi, c'est... j'ai adoré. J'ai adoré, en fait, parce que du coup, parce qu'à cause de la personnalité de Lars von Trier et du fait qu'il était revenu à Cannes, avec toute l'histoire qu'il y avait derrière, j'ai l'impression que ça, maintenant, en fait, tout ça, ça prend le pas sur la... Ça fait, à la fois fait partie de la promo de ses films, et en même temps, ça cache un peu ses films. Et tu as l'impression qu'il règle ses comptes en direct, comme avec un mal à plaisir de petit salopard. Exactement, et le film, en fait, j'ai trouvé qu'il était super personnel. Alors, aussi bien dans les trucs où on peut se dire que ça le concerne, qu'aussi bien de tout que ça le concerne pas, en fait, on sent qu'il y a vraiment une vision très personnelle de tout ce qu'il fait. Et il y a des plans qui sont hyper travaillés, qui sont des références à des peintures. Il y a une construction de l'histoire, de tout, qui est juste trop bien faite, quoi. Je trouve que c'est vraiment, en fait, j'ai l'impression que c'est à la fois le plus accessible, mais après, je peux me tromper, hein. Plus ou moins. Voilà, et en même temps, c'est surtout c'est personnel. C'est plutôt d'infomaniac, hein. Hein? Je trouve le plus accessible serait plutôt d'Infomaniac. C'est sérieux? Bah, d'Infomaniac, ça part deux pas. Il dure quand même longtemps si tu vas aller deux parties. Non, mais accessible en termes de narration, c'est-à-dire que ça part pas dans des trucs complètement. Mais si on connaît pas l'Infomaniac, qu'elle. Déjà, ça va être linéaire, l'Infomaniac, c'est qu'il y a des flashbacks, mais globalement. C'est plus facile de mater celui-là. La narration est vraiment linéaire. Dancer in the Dark, la narration est linéaire aussi, Dancer in the Dark par exemple. Il est très très dur, Dancer in the Dark. Oui, mais la narration, elle est linéaire quand même, ouais, je me sens plus tout à fait. Mais pour rebondir sur ce que notre El Gato a dit, bah, je suis d'accord en tout point avec elle. D'ailleurs, moi ce qui m'a surpris, c'est que pendant les trois quarts du film, c'est filmé caméra soit caméra à l'épaule, enfin, image un peu comme une petite caméra DV, tout ça, etc. Vraiment pour accompagner le tueur comme face au reportage de guerre, avec des inserts un peu documentaires, du genre, vous ne croyez pas, et bah regardez, avec des voûtes, et ça va montrer qu'il est architecte des voûtes, et des passages en noir et blanc, tu fais, oh putain. Et, non, il est chaud tout le temps. Et la dernière demi-heure, par contre, ça va être hyper stylisé, hyper. Et là, il m'a surpris, quoi, parce que il y a plein de trucs, même des trucs mythologiques. Je vais pas spoiler, mais il parle des Champs-Élysées. Pour ceux qui connaissent la mythologie grecque sur les Champs-Élysées. Il y a une émission avec Rupert aussi. Voilà. Avec Guy Bedos, qui voilà. Enfin, bref, il part très très loin dans la dernière demi-heure. Et moi, j'ai adoré qu'il saute le pas, qu'il fasse ouais, qu'il me surprenne comme ça à ce point, quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, il a complètement cassé la narration. Il va dire où je fais un autre film, c'est pas grave. Mais c'est ça qui est génial, il achève son film comme ça. Et puis toute la comparaison où ils sont. Enfin, moi ce que j'ai compris, c'est le retour sur les nazis. La question un petit peu qui sont rendues, est-ce que les directeurs sont des artistes quelque part? Ah oui, non, mais ça c'est uniquement pour. C'est vraiment provoque, c'est vraiment pour provoquer les critiques qu'il avait descendues, qui disaient qu'il était personnellement grata, etc. Parce qu'il avait une remarque sur le nazisme. Nazi, ouais. Très maladroite, très maladroite. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il était viré de Cannes. Et bah, je crois que c'est son premier film qui est revenu à Cannes, non, c'est pas ça? Il me semble. Ouais. Et depuis 10 ans, je crois. Et puis c'est génial, c'est assez rare qu'un film soit aussi méta dans le sens où il se s'autocite. À un moment, il y a la verge qui parle. Ah, mais tu l'as vu du coup? Ouais, je l'ai vu. Il s'appelle Verge. Ouais. Attends, stop, le mec s'appelle Verge. C'est Hitler. Non, mais alors, on va pas trop spoiler parce que justement, le personnage de Verge. Ouais, faut pas en dire il plus. Il nous est spoilé pendant une bonne partie du film. C'est le narrateur, en fait. Et tu comprends pourquoi à la fin c'est le narrateur. Oui. Ouais. Enfin bon, bref, effectivement, le fait de prendre Bruno Gantz dans le rôle, c'est pas innocent. Et le fait de citer tout le passage où il cite des grandes œuvres de l'histoire et il me cite des extraits de son propre film, c'est bizarre. Il n'y a aucun problème avec avec l'humilité ou ce genre de choses, quoi. Ouais, il a vraiment... totalement l'humour noir. Et, ah oui, c'est un des rares films où on peut buter des gamins, tu te dis oui. Ouais, j'avais pas jusqu'à mais c'est tout. Comme de l'iPhone 10. Tellement fait. Alors, en même temps, je prends pas ça au sérieux, c'est pas vraiment gênant parce que je prends pas ça au sérieux, c'est tellement guignolesque. C'est tellement énorme que tu marques. Son personnage, tu peux pas le prendre au sérieux. Ah oui, oui. Enfin, c'est pas un personnage que tu peux prendre au premier degré. Tu le prends forcément au deuxième ou au troisième degré. Il y a cette scène assez géniale qu'on voit aussi dans la bande-annonce, donc je spoil pas trop. Avec Uma Thurman qui lui fait oh mais oui, mais vous êtes gentil, etc. Juste après, il a un truc volant. C'est sûr que à ce moment-là, n'importe quelle personne équilibrée presque ferait ça, quoi. Je veux dire, faut pas être un besoin d'être un serial killer. Voilà, c'est ça, quoi. Et c'est ça qui relance là-dedans. Et Matt Dillon, c'est Matt Dillon l'acteur. Ouais. Il est vraiment très bon, quoi. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu dans Il fait un retour petit à petit. Et... Ouais, ouais, comme Matthew McConaughey, quoi. Ça fait un retour, là. Ah oui. Donc, complètement à l'opposé dans le genre, on a aussi Solo dans Les Bonnes Surprises de Rey. Ouais. Ah ouais. Franchement, moi, c'était... Alors, moi, j'ai vu plein de mecs le descendre. Je sais pas si pour vous, mais... Il y a plein de gars qui l'ont... Globalement... Alors, moi, je l'ai trouvé sympa, mais peut-être beaucoup moins enthousiaste que toi. Mais je trouvais quand même sympathique. Son alors, il est pas aussi sympa, il est pas aussi jouissif que Rogue One. Oui, Mais ouais. Franchement, celui-là, moi, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Mmh. Dans la construction de l'histoire, dans le rythme, le truc, ça perd jamais de rythme, c'est vraiment bien. C'est un bon petit western Star Wars. Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Quand vous voyez le film, vous comprenez. Attends, il y a toute la mythologie de Han Solo, c'est ça, c'est le contrebandier, c'est le pirate, c'est... ouais, c'est ça. C'est l'imagerie de Serial, d'Indiana Jones, ce genre de truc, quoi. Et Wookie, on rencontre notre Chewie préféré pour la première fois. Ouais, alors moi j'ai trouvé ça juste un peu pété. La manière, voilà, ouais, un peu trop rapide, genre, je parle ta langue, alors que tu vois, voilà. Mais sinon, je placerai pas comme bonne surprise quand même. Je placerai comme, je m'attendais à un ratage total et c'est un semi-ratage. Voilà. Ouais, c'est là surtout devient la surprise en fait. C'est, franchement, il est pas, moi, ouais, c'est pas si catastrophique. Parce qu'en soi, le film, il est. Non, il est quand même en fait, le film est un divertissement qui se vaut bien par rapport à. Ouais. Justement, comme l'épisode 7 et 8 s'était fait pas mal bâcher, on s'attendait à rien finalement avec Solo. Toujours par exemple, entre autres, c'est sur cet aspect relou d'un film avec Prequel notamment, c'est qu'ils doivent absolument tout justifier. Ouais, jusqu'à justifier le nom de Solo, quoi, sérieusement. Mais c'est la blague de... Alors, mais même moi je fais pas des jeux de mots comme mais ça. Moi j'ai trouvé que enfin, c'est si, une bonne fais, blague, mais quoi, je fais pas des films avec des trucs comme ça. Ah, c'est une bonne blague. Par contre, moi ce truc qui m'a embêté, bien que d'accord avec moi, c'est que la première heure du film, la photographie, même pas en 3D, c'était trop sombre la photographie. Ouais, après, ça s'améliore parce qu'ils sont sur deux planètes, ils voyagent. Ouais. Mais la première heure c'était dur et j'ai connu des spectateurs qui sont sortis de la salle. Ah ouais? Ouais, ouais. Ça m'a surpris. Moi j'ai fait ça, mais c'est pour les veuves. Mais bon, à ce qui paraît, c'est un problème qui revient assez régulièrement parce que notamment les projos des salles, notamment à Paris, ont des lampes qui sont un peu usées et dès que le film est un peu sombre, ça aussi sur The Lost City of Z, où il y a des moments où tu vois quasiment rien. Ah non, parce que dès qu'un film avec photographie qui joue sur le clair-obscur et des trucs comme ça, apparemment les noirs sont rapidement crochés. Ah mais moi je me suis demandé si Méliès était bien nettoyé, quoi. Mais c'est vrai que ouais, c'est un petit peu sombre quand même. Non mais dans l'ensemble, je crois pas qu'il justifie ce choix. Esthétiquement, il a rien d'exceptionnel. Non, il a rien d'exceptionnel. Mais on voit qu'il y a quand même pas mal de travail. C'est une bonne série. Voilà, il reste fidèle à l'univers. Ouais. Toute la narration, c'est assez classique. La fin, on va pas spoiler, mais on revoit un personnage qui dit what? Ouais, c'est vrai. Et là, c'est un peu Disney qui veut faire son univers attendu, qui se dit oui, mais vous aurez qu'à suivre la série, les autres trucs, c'est ça. Tu fais non, mais c'est sérieux, un film, ce film, ça reste pour lui-même, un film, c'est un propre univers. Tu commences à extrapoler à chaque fois pour d'autres univers, etc. Tu vois, s'il y a des personnages qui reviennent, un film, ça suffit. Tous les personnages peuvent revenir, quoi. C'est toujours le même problème quand tu dis des ouf, mec, par contre, il y a comme ça. Mais oui, mais quand ces personnages sont censés avoir disparu définitivement, ça fait un peu mal. T'as l'impression que toi, en tant que spectateur, on prend un peu pour un con, quoi. Alors t'as vu les films. Moi, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est. Enfin, par mon coup de cœur, c'est la fille qui joue l'amour de Han Solo. Ouais. Est-ce qu'elle est triste déjà? Je sais pas, mais voilà, bon, déjà, elle est magnifique, mais en plus. Oui. Ouais. Mais en plus, tu y crois alors. C'est Emilia Clarke qui joue dans Game of Thrones. Ouais, je crois, ouais. Mais moi personnellement, j'ai cru, je veux dire, ça marche à l'écran. Ouais, ouais, ça marche bien. Leur roman, ça marche à l'écran. Donc, même quand après, voilà, le film est ce qu'il est, mais leur. Voilà. Ils ont tous les deux le même profil. Voilà, et ça passe bien. Ils doivent être après la même génération. Ils ont tous les deux des têtes de bébé parce que c'est un pareil comme ça. Alden et Reich, je sais pas comment on dit, qu'on a déjà vu comme ça. Qu'on avait déjà vu dans d'autres films, par exemple chez Coppola, dans Tétro. Moi je trouve très bien en Solo. Ouais. Je trouve très bien, quoi. Il en fait pas trop. Ouais. Il en fait pas trop, quoi, justement. Je t'attendais à un mec qui copie un peu trop Harrison Ford, mais en fait non, il trouve sa voix. Il était mieux chez les Coen. Mais c'est éminemment subjectif, hein. C'est comme pour Rémi Malek. Je pense que ça correspond vraiment totalement à ce que tu as comme attente du personnage. Parce que j'ai entendu plein de gens qui disent au contraire, il ressemble pas du tout à Harrison Ford et il a pas tout le charisme et tout, mais en même temps, c'est ça. Non, mais Harrison Ford, après, dans Star Wars, il va se prendre 20 ans dans la tronche après, peut-être imaginer qu'il vieillit. Oui. Mais c'est vrai que c'est un petit peu étrange d'un fois tout justifier, de mettre le personnage tel qu'il est vraiment il est pareil à la fin de Star Wars Solo et au début de Star Wars 4. Ouais, bah ça c'est le fléau du film actuel. Et en même temps, c'est vrai que c'est pas tout à fait le même personnage, donc c'est un petit peu... C'est le fléau du film actuel, oui, quand même. Ouais. Alors, autre film qui a fait le parcours aussi, Cannes, étrange festival à l'image de Lars von Trier, il y a Mandy. Ah, alors moi, alors pareil, messieurs. Je n'ai pas pouvoir faire de blague à la Fangue du Bosque, heureusement. D'ailleurs, je crois que Nelson, que nous ne sommes pas du Fangue du Bosque. Non, ouais. C'est une noble cause. Ouais, ouais. Donc, je ne vais pas faire de blague douteuse là-dessus, heureusement. Et bah moi, Mandy, je crois qu'El Gato l'a vu aussi. Ouais. Je vais dire deux, trois mots dessus. C'est pas El Gato. El Gato. Pas El Gato. El Gato, ouais, El Gato. Ouais, Gato. C'est pareil, El Gato, c'est... Mignon. Mignon, c'est quand même petit gâteau, pâtisserie. Ah, c'est son surnom c'est espagnol. C'est ma version culinaire. Voilà. culinaro espagnol. Et Mandy, moi, j'ai trouvé que c'est un film, certes bancal, mais totalement assumé, tout à fait pop, avec les couleurs totalement assumées, même des images de gravure en fond avec les planètes, tout mais ça. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Et voilà. Esthétiquement, espèce... qu'est-ce qu'il est beau. C'est, voilà, c'est... Non, mais c'est quand je dis pop, c'est vraiment c'est toutes les couleurs, c'était totalement assumé. Le mec s'est dit, je vais faire un grand trip malade. Même Nicolas Cage, c'est un grand trip malade en soi, ouais. Et qui porte le film sur les épaules. Et même Andrea Riseborough, elle a un rôle beaucoup plus limité, ouais. Mais elle hante l'image pendant tout le film. Tu vois ce que je veux dire? C'est d'elle que démarre tout. C'est ça. Enfin, c'est... Et moi j'ai trouvé que c'était un grand film malade, mais qui vaut vraiment le coup d'être vu. Et j'ai, pour le coup, ah, j'ai ouais, bien ouais, aimé. Ouais. J'ai bien aimé quoi. Ouais, c'est une. Enfin, beaucoup d'originalité. Tu sens que il y a un univers. Et moi quand je l'ai maté, je savais pas. Donc bah, on en a déjà parlé de toute façon dans la vidéo. Hein, mmh, ouais, ouais, on en a déjà parlé. Et le petit plus, King Crimson en ouverture. Oui! Non, mais je savais pas que son père, réalisateur, avait été un des mecs, qui fait partie des gars qui faisaient des films d'action dans les 80 et tout. Et ça se voit en fait qu'il a été nourri à ça. Donc il arrive à faire un film où il a à la fois son univers et où finalement il est imprégné aussi de l'univers de papa. Mais c'était qui son père? C'était Pan Cosmatos. Ah oui. Ça c'est le réalisateur. Panos Cosmatos c'est le réalisateur de Mandy. Ah non, alors, le papa, donc c'était Cosmatos aussi le papa, mais c'est quoi le... Costas. On le mettra en bas d'écran. Bon, ah, bah. Qui avait fait, c'est pas lui qui avait fait Cobra, je crois que Stallone, que j'ai beaucoup aimé, je crois que c'est lui. Léviathan, quoi, avec Cobra, et puis... Léviathan, quoi, à l'ancien. Mandy, il y a pas une esthétique quand même qui me... J'ai l'impression qu'il me faisait beaucoup penser à Carpenter Brut, et à son truc rétro, Synthwave, et... C'est possible, c'est dans le même, c'est dans le même trip. Dans les mots, c'est dans les mots. Moi, j'ai vu la bande-annonce, c'est vrai que ça fait penser à ça, ouais. Bah ça reprend les couleurs, l'esthétique, ouais. Il y a un espèce d'univers dark coloré, en fait, ça fait vraiment des peintures des fois à certains moments, à certains plans. C'est assumé, ça reste un grand film complètement pop, complètement. Tu peux faire des wallpapers avec Nicolas Cage. Ouais, grave. Exactement. On va enchaîner sur Moi Tonya. Concrètement, moi, j'ai trouvé ça assez. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est le parrain dans le niveau du patinage. C'est, ouais, il y a de ça, et puis en fait, pour un biopic, ouais, c'est les affranchis, ouais. Tu regardes le truc, tu penses aux affranchis, parce qu'il y a des petits moments, des moments où elle s'adresse à la caméra, ou des trucs, enfin, c'est un biopic, mais c'est pas conçu comme un biopic classique. Tu vois, on parlait de Bohemian Rhapsody tout à l'heure, la critique que moi j'ai souvent entendue, c'est conçu comme un truc assez classique, c'est un biopic Wikipédia. Ouais, c'est le contraire, c'est en fait. C'est un biopic face au film de gangster. Voilà. Mais concrètement, le moitonnier, c'est le contraire. C'est-à-dire on sent vraiment qu'ils se sont appropriés l'histoire. Quoi. Ouais, mais par exemple, c'est quasiment de l'humour noir sur le fait que son mari la batte et tout, ça va quand même loin. Quoi, ah, ouais, oui. Ouais, mais ça l'empêche pas de passer tout ça pour un mythe total, le mari. Et les séquences de patinage qui sont filmées presque caméra à l'épaule derrière, avec presque reportage de guerre, j'étais waouh! En plan séquence, etc. Tu fais ah oui, c'est qui ça? Non, c'est de Craig Gillespie. Ah ouais, un nouveau que je connais pas. Et en fait ils arrivent à faire un film qui a du style, ouais. Mais sans omettre les personnages, sans omettre l'histoire. Ouais. Ah bah ça tu vois, justement moi je l'ai loupé. Avec même de l'émotion même. Ouais. Moi je l'ai loupé et franchement, comme on vous en parlait, moi j'ai vraiment envie de le voir parce que ne serait-ce que pas. J'ai connu moi à l'époque justement toute la controverse qu'il y avait eu avec Tonya Harding et c'est ça. L'autre patineuse, j'ai oublié son nom. Pas, mais à Lillehammer en 94, c'était des histoires de fous quoi. Ouais. Et elle a mal tourné. Et franchement, de voir qu'ils ont fait un film là-dessus, qu'ils arrivent à tenir. C'était pas Katharina Witt ou je sais plus. Non. C'était une autre qui était dans le même genre. C'était une américaine en fait. Il y avait cette autre américaine. Là où Bohemian Rhapsody va mettre les trucs un peu sortis des glauques, un peu hors champ, ou d'autres trucs entendus. Là, dans Moi Tonya, il y a des trucs qui sont pas beaux à voir. Et bah tu vas les voir. Ouais. Et effectivement, tu vas t'en prendre plein le cul. Quoi, oui, c'est vrai, ouais. Sur un réalisme cru et en même temps, il y a de l'humour noir. Et il y a même des trouvailles de mise en scène qui sont vraiment incroyables. Quoi. Non, mais il y a l'humour noir qui est excellent parce que finalement, là, dans cette histoire, elle est quasiment pour rien. Tony Harding, c'est juste qu'elle est entourée de débiles. Quoi. Ouais, oui, c'est Fargo. C'est Fargo dans le niveau du patinage. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Elle est entourée de débiles et c'est elle qui a tout pris dans la gueule parce que à la base, bon, ça la servait, c'était censé la servir elle, mais. Ouais. Mais en fait. Tu te rappelles à la fin, le générique de fin, on voit des images d'archives des vrais protagonistes, tu te dis. Oh putain, mais ils étaient vraiment comme ça en plus, tu te dis, ouais. Putain, c'est vraiment des connards. Ouais. Non, mais sa mère aussi, elle est énorme. Sorcière, quoi. Je crois que la mère, elle a été primée, l'actrice qui jouait la mère, elle est primée en tant que second rôle, elle est incroyable aussi. Il n'y a pas eu l'Oscar Je crois qu'il est pris quand même, Tony. Non, parce que je trouve qu'en fait, comme il y avait Three Billboards, en fait, ça s'est un peu. Au niveau des Oscars, je crois que ça s'est un peu bataillé avec Three Billboards. Et je me demande, enfin, je sais plus. Il n'est pas dans notre liste, Three Billboards. Comment ? Il n'est pas dans notre liste. Il n'est pas exceptionnel. C'est une bonne surprise, peut-être, non ? Bah, moi, honnêtement, pour moi, c'est pas une bonne surprise, en fait. Mais parce que moi, je l'ai vu, j'ai trouvé ça bien, mais il y a trucs qui m'ont gêné dans le film, donc j'ai un peu oublié les cas. Ouais, moi, j'ai trouvé ça assez lambda, en fait. C'est bien, quand on a un bon film, apparemment, c'est quand même plutôt bien. Bah, c'est bien. Non, il est bien, mais c'est. C'est un film à Oscar, c'est ça ? Tout ce que Nelson pour dire pour Salto Hotel Royal, bah, je peux le dire pour Free Billboard, quoi. C'est bien, mais sans plus. Toi, Sam Rockwell, il a eu un Oscar. Il non, moi, j'ai pas dit qu'il était bien. Oscar Golden Globes pour Free Billboard. C'est un truc intéressant. Ouais, c'est pas gagné. Sam Rockwell a eu un Oscar et Golden Globes pour Free Billboard. Bah, c'est pas pour ce film-là que je lui aurais filé. Il a fait des tas de films sur lesquels il le méritait, mais pas celui-là. Ouais, The Moon, tout court. Enfin, plein de trucs. Il a une filmo qui est quand même assez originale par rapport à plein d'autres acteurs et non, ça c'est pas. Ouais. On va enchaîner sur avant que nos disparitions. Alors là j'ai bien peur que vous allez l'avoir vu. Ah ouais, c'est lui. Donc c'est le coup. Kiyoshi Kurosawa. Voilà, en tant que fan de Kiyoshi Kurosawa, en plus je vais manquer d'objectivité, non. Je vais essayer d'être objectif. Le truc de Kiyoshi Kurosawa, c'est que là depuis quelques temps, en plus il y a des distributeurs français, ils en mettent plein. C'est un peu comme un moment où on aurait du Sonotion, même Takashi Miike, on aurait parfois sur les écrans, on aurait plein de trucs, tu te dis waouh, hey, mec, repose-toi, on a 2-3 dans l'année. Là, on a eu à la fois Invasion à la fin d'année et au début d'année avant nos disparitions. Ouais. Et ça se base, les deux œuvres d'ailleurs se basent sur une même pièce de théâtre. Et avant nos disparitions, c'est le côté positif, et Invasion, c'est le côté négatif. Mais à chaque fois, il y a des acteurs différents, un point de vue différent et un temps différent. Donc les deux films se complètent comme le Yin et le Yang, et les deux films sont à voir. Sauf que avant disparition, c'est totalement absurde. Les extraterrestres, ils sont là sur Terre, mais ils savent même pas qu'est-ce que c'est que les terriens, tout ça, donc ils volent des concepts, des mots. Et à chaque fois, ils déclenchent chaque fois des trucs, tu te dis, mais c'est au du Tati, quoi, c'est que truc totalement absurde, ils déclenchent des bêtises. C'est le premier contact par la nouvelle vague. C'est voilà. Avec toujours parfois un côté brutal, quoi. Les extraterrestres, ils n'hésitent pas à zigouiller les gens, on demande pourquoi ils font. Bon, parce qu'ils étaient dans le passage, voilà. Ils ont aucun remords par contre. Non, bah ouais, mais donc, c'est pas une métaphore, genre de comment on traite les indigènes et tout, les populations indigènes. Non, je sais pas. Non. Je sais pas si ça va aussi donc, loin. Donc voilà, c'est. Et ça reste du Kiyoshi Kurosawa avec des plans très carrés, des magnifiques plans, tout ça. Un rythme assez lent, contemplatif, qui laisse monter les choses et parfois des éclats de violence, des petits trucs un peu qui explosent, parfois qui pètent à l'image. Et donc, c'était une très bonne surprise. Ouais, j'ai jamais écouté ça sur le cinéma, c'est toujours des plans super symétriques et tout. Ah ouais, mais et puis, c'est un maître du cadrage. Il y a toujours un moment où ça part en cacahuète. Quand tu vois dans Kero, par exemple, dans Kero, il y a souvent des trucs qui se révèlent, qui te font peur, qui sont à l'arrière-plan, que t'as pas remarqué dès le début. C'est après que tu réalises et que t'as l'effroi qui te monte. Ouais. C'est vraiment ça, quoi. Ou même Cure, il y a des trucs en arrière-plan que tu réalises pas tout de suite. Ouais. Quand tu vois le deuxième film, deuxième fois, tu te dis « Oh putain, d'ailleurs, Koji, Yakusho, etc. » Tu vois, oh. Et donc, on a aussi Hérédité dans notre liste. Oui, Hérédité, et je crois que tu l'as vu aussi, mon cher Félin. Ouais. J'aime bien mon cher Félin, mignon. Mon cher Félin, c'est mon cher Félin. Mais je vous laisse, on vous laisse. Hein. tu l'as pas vu, toi ? Hérédité, non, j'ai pas vu. Mais c'est pareil, c'est un bon film d'horreur. Oui, c'est une bonne surprise, justement, pour qu'on y ait. Hérédité, là aussi, je vais pas trop spoiler. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que la mise en scène est supérieure à plein de films qu'on voit de temps en temps. Alors, on est bombardé de pas mal de trucs de non-exploitation ou... Comment on dit, d'exorcisme sur laquelle on avait consacré notre épisode d'Halloween. D'exploitation, c'est encore un délire. c'est encore un autre délire. Je crois que ça devient. C'est peut-être la première fois que j'ai enfin découvert le couvent de la bête sacrée récemment, que j'ai enfin découvert. D'accord. Et qui est super d'ailleurs, puis complètement barré. Et Hérédité, donc c'est. On l'avait pas non plus dans notre épisode d'exorcisme, parce que il y a un peu de possession, mais c'est pas le sujet principal du film. Le sujet principal du film, ça va être l'hérédité et comment un mal va se transmettre dans une famille gangrénée de la mère à la fille et comment ça va se transmettre et comment ça va être un truc implacable, un peu comme les rouages d'un truc. Le truc, c'est vraiment un destin implacable, même quand ils vont essayer de s'en écarter. Et la mise en scène qui, dès le début, enchasse avec des... pas avec des marionnettes, mais avec des maisons de poupées un peu, pour montrer vraiment que c'est comme des marionnettes que le réalisateur tient dans sa coupe, tu sens vraiment que le film va pas être forcément sans pitié, mais qui va broyer le personnage. Ouais. Et il y a des trucs, même le réalisateur va pas hésiter à te surprendre en plein milieu du film. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, avec une séquence en plein milieu du film où tu t'attends. Moi, je me suis pas attendu. Avec un personnage qui... Tu veux dire l'accident ? L'accident, ouais, tu l'attendais pas du tout. Oui, c'est ça, mais en fait, si tu veux... Là aussi, on revient à une séquence fait... que tu... un peu comme tu vas rentrer, tu t'attends pas du tout à ce qu'il fasse ça, quand tu fais « What ?» C'est ça, en fait, moi, il y a trois points positifs sur ce film, c'est la mise en scène. Le travail qui est très aussi. Très clean, ouais. Mais ça, c'est un classique des films d'horreur et tout ça. C'est le travail sonore et... C'est... Ouais, mais contrairement à plein de films, ce qui est bien, justement, c'est qu'il va pas jouer sur le jumpscare comme plein de films récents. Oui, c'est vrai. Ouais. Là, c'est vraiment une espèce de malaise qui monte de plus en plus en plus, et à la fin, tu commences vraiment à avoir les boules, quoi. Et donc, attends, jumpscare, je pense, c'est vraiment devenir old, hein. Ça, c'est plus trop le jumpscare. Ouais, ouais, c'est ça qui est vraiment... Bah, peut-être parce que les mecs, aussi, niveau mise en scène, ils essayent de faire des choses correctes, quoi. Donc, je disais, il y a trois points, en fait, pour moi, il y a trois points pour moi qui sont positifs. C'est la mise en scène, c'est le jeu des acteurs, parce que chaque acteur, en fait, ils sont vraiment habités par ce qu'ils jouent, en fait. Ah oui, tous. Même la gamine. Ils sont tous très parfaits. La gamine, c'est une grosse découverte sur la gamine. Elle a la tête dans le bois. Elle a une tête qu'on ne voit pas, qui ressemble pas du tout aux gamins d'habitude. Ouais. Dans d'autres films, les gamins, ils sont beaux. Là, tu vois, c'est pas Disney, la gamine, bah, elle a une tête de gamin basique. Voilà, parce que c'est moche. Ça. Tu dis, ah ouais! Et l'ado, le mec qui joue la gamine. Je trouve qu'elle a un côté hypnotisant, justement, la gamine. Ce qui fait que tu t'attaches à son personnage. C'est ça. Et même c'est le jeune, c'est un ado basique. Tu vois, le jeune basique, un peu con, tu vois, je veux dire, comme. J'ai envie de dire, comme plein d'ados, pas comme vous et moi, mais comme plein de jeunes qu'on a pu croiser, quoi. Et ça, c'est aussi un point positif, et pas l'ado comme plein de films qui sait tout, qui prévoit après, c'est la fin du film en avance, tu fais, waouh, non, arrête! Mais ouais, c'est un peu ça le problème, quoi. C'est des personnages normaux. Et le troisième point, en fait, pour moi, c'est justement, alors sûrement à cause des acteurs, mais aussi la mise en scène, c'est tu t'attaches facilement au personnage. Chaque personnage, il y en a pas un qui est moins important que l'autre. Et même le père, très bien transcrit. Même tous. Le père qui a un rôle un peu en retrait, qui est joué par Gabriel Byrne, ben il s'est resté sombre. C'est un peu comme dans Mulder et Scully, X-Files, c'est lui qui est un peu qui est face à tout le truc qui fout le camp. Alors c'est lui, il reste rationnel. Un peu comme Scully dans X-Files. Ouais, mais voilà, mais même le film va, comme pour le personnage, va. Mais c'est souvent ça, le procédé qu'il utilise souvent, c'est que pour un personnage ultra sceptique, et qu'à un moment, il y a des théories complètement fumeuses à un point où on n'en croit plus. Et au bout d'un moment, on est même obligé de dire « Ouais, ça... » Mais non, dans X-Files, il y a toujours ce point de vue, les deux points de vue. C'est-à-dire que Scully, elle ne voyait pas forcément les trucs que Mulder voyait, et tu avais à chaque fois de X-Files les deux points de vue. Parce que les spectateurs suivaient à la fois Mulder et Scully. Non, mais à la fin, quand cette série arrivait à jouer les deux points de vue. Je crois que c'est vers saison 7-8, au bout d'un moment, Scully dit quand même « Ouais, c'est vrai qu'il y a des reptiliens, des Illuminati. » C'est quand même louche ce qui se passe. Scully, ça fait 7 saisons quand même. Mais c'est pas les meilleurs. Les meilleurs, c'est les 6 premières saisons, quoi. Et surlever, pas, une fois qu'elle est surlevée par l'extraterrestre, c'est pas dire bon, vous n'existez pas. Ouais, mais j'avais vu que j'étais en coma. Ouais. Donc, y a, en termes de film d'action, on a Upgrade. Ah ouais. Qui est justement une des bonnes surprises. Alors, pour l'avoir vu, c'est. En fait, tu t'attends pas, tu te dis que tu vas avoir une bouse quelconque. T'as peut-être pas une bouse, pas mais, une bouse, mais un truc. Voilà, c'est un truc. En fait, je trouve que c'est. Enfin. C'est frais, c'est-à-dire en termes de fédérer. Ils arrivent à faire un film d'action qui a l'air frais, en fait. Avec un budget très limité. Avec un budget très limité et qui est beau en plus. Donc, c'est pas encore eux. Ils ont un truc. C'est encore des titres qui sont spécialisés justement pour le film. Je crois que c'est 5 millions de dollars leur budget, un truc comme ça. Ouais, mais tu sens qu'entre Get Out et Upgrade, quand même, ils sentent que Upgrade c'est vraiment limite. Tenez, on vous donne juste un peu de sous, tandis que Get Out c'est un peu plus de budget quand même. Ouais. Puis Upgrade en fait, c'est... parce que d'habitude, sur les films limités, sur les films à budget limité, ils se débrouillent pour limiter les lieux, ce genre de choses. Alors que Upgrade, en fait, ils ont quand même des... Il y a de l'ampleur, en fait, dans ce qu'ils font. Ouais, mais il y a une unité de lieu, quand même. Ils arrivent à rassurer une unité de lieu, ils s'en écartent pas. Honnêtement, il y a beaucoup... il y a plus de lieux que dans certains, tu vois. T'as deux, trois... Là, t'en as un peu plus, quand même. Ouais, mais ça sert pas fait pour l'histoire. Ça sert l'histoire. Dans d'autres films, on a tendance à s'éparpiller par d'autres trucs, etc. Là, on dirait qu'ils se sont pas dit, on va... On aurait dit qu'ils veulent pas enfermer le spectateur dans ce qu'il voit, en fait. mais qui veulent vraiment donner de l'ampleur à ce qu'ils font. Et du coup, bah, aussi bien, ça sert vachement bien l'histoire. Mais tu peux quoi. Le dire, il y a un lyrisme dans le film, un lyrisme que ce soit dans les scènes de combat, que ce soit dans l'histoire, dans la narration, c'est un film même. C'est un film de science-fiction qui prend un côté un peu survival et action, quoi, quasiment. En fait, c'est ça, c'est pour ça qu'on l'a mis dans la possession, parce que à un moment, au fil de l'histoire, on va pas spoiler, mais il y a une sorte de possession en fait du personnage principal. Et, n'en parlons pas plus. Et du coup, mais c'est en même temps un film d'action, c'est un film à la fois un peu sci-fi. Enfin, ça renouvelle le thème du pacte avec le diable. Ça renouvelle ce thème-là d'une manière science-fiction, action, quoi. Ouais. Ça, c'est bien vu. Bon, après, ça, c'est quand même un gros film B, un peu plus. Ouais, mais tu vois plus autant de bonnes séries B où tu peux prendre ton pied sur les écrans. En général, elles sortent soit en VOD, ou alors sur Netflix, ouais, ou en DVD, quoi. Pour moi, c'est un upgrade, hein, justement, c'est un upgrade dans le film d'arrêt, dans la série B, quoi. Tu vois, et il y a eu la chance de en salle. Ça, c'est bien ça. J'aime toujours vraiment ce cliché du plan de méchant qui est ultra méga compliqué, où il y a genre un million de variables, il y a tout prévu depuis le début, il y a tout calculé, il y a tout planifié. Ouais, c'est assez rigolo. C'est un peu rigolo. Parfois, il se met des obstacles à lui-même, et ok, d'accord, c'est plutôt un plaisir. Quoi. Genre, c'est, il pourrait aller de A à B, il décide pas d'aller partout. Ouais, mais là, ça va. Non, c'est pas vraiment dans ce schéma-là. Mais ça, c'est rigolo, je trouve. On a Girl aussi. Girl, j'ai bien peur d'être le seul à l'avoir vu. Ouais. Alors, Girl, il y a eu, je crois, un prix pour l'interprétation ainsi que la caméra d'or à Cannes. Et j'ai envie de dire que c'est tout à fait justifié. Ouais. Parce que ça filme l'histoire d'un garçon qui change de sexe, qui est en fille, en transgenre. Mais le film évite tous les clichés débiles, etc. Tu verras jamais le père ou sa famille qui va lui faire de remontrance. Ouais. Là, le père, il est au soin, il comprend tout à fait les choix de sa gamine. On peut dire sa gamine, c'est que je dis ta mère, en fait. Restons sérieux. Et même le petit frère, à un moment, il a juste échappé à un truc. Le petit frère, il lui dit, à l'école, ils se sont moqués de toi, etc. etc. Et voilà, mais c'est juste, mais c'est dans le récit. Toi aussi, si t'as un truc comme ça, il y a des gens qui, dans la réalité, qui pourraient se moquer de toi dans la famille, d'autrui. Et le film évite ça, c'est-à-dire... Non, je suis pas une truie, je suis un chien. Voilà. Et toi, Nelson, il y a des gens, quand tu commences à te changer en chien, il y a des gens qui t'ont pas fait des montants. Non. Et donc le film est très bien avec ses personnages. Et même la mise en scène pour les séquences de danse, qui arrive à rester parfois dans l'ambiguïté. Il y a beaucoup de scènes, hein, quand elle est devant le miroir. Parce que le rôle principal, en plus, c'est un garçon qui est, comme il a un visage très fin, qui joue le rôle d'une fille. Et mais là, voilà, c'est la caméra qui, avec tous les plans dans le miroir pour filmer les apparences. Même parfois, quand les scènes, etc., ça devient un peu flou quand ça tourne pour la danse, mais c'est normal. Ça reste dans tout ce qui lui fout des apparences d'ambiguïté. Donc, ça, j'ai très bien vu la caméra d'or. Je sais pas si ça récompense ça, mais c'est très bien vu. Et il y a un seul truc qui m'a gêné et qui a été dit aussi curieusement par une youtubeuse, qui est la seule à avoir annoncé ça, qui est Solange, quand Solange te parle, dans ses points Q. Pour ses points culture récemment, l'an dernier, elle était pas très d'accord avec la fin qui a du drame utilement. Moi j'ai envie de dire que la fin ça m'a un peu déçu, soit on a l'impression que c'est pas comment faire dans son film, donc hop, vite, faut que je fasse un truc dramatique, vite, il est dernier, tout un dramatique, je vais lui faire. Mais il y a une tension dans tout le film qui parcourt, même quand le regard des autres filles sur elle-même, etc., sur l'héroïne, t'as pas besoin de te douter du drame inutile, le film il est nickel de bout en bout. Pourquoi tu fais ça? C'est con. Et un peu plus, c'est d'obtenir un chef-d'œuvre. Ouais. Ça c'est un grand film quand même dans l'année. On salue quand même Nio qui a animé être fan de Solange Te Parle. Voilà. Bonjour Solange, si tu nous vois. Voilà, je me soigne. Il y a que des tutos make-up, je suis beaucoup moins Solange, mais... Coucou Solange. Mais je me soigne. Parce que parfois tu veux te boucler tes petits cheveux et tout, tu dis ah merde. Et donc j'ai une sexualité avec... Et donc on a Phantom Thread aussi de Paul Thomas Anderson. Aussi j'ai bien peur d'être le seul à avoir vu le... Franchement je suis passé à côté de toi. Alors j'ai entendu que des critiques mitigées, moi, donc... Son meilleur film ça reste Resident Evil. Non, les trois musculaires. J'ai entendu Horizon. Event Horizon, quoi, bordel. Alors moi j'ai entendu des critiques mitigées, toi tu es assez... Non, je suis assez positif. Ouais. En fait le film c'est un grand film romantique contrarié, et qui prend un peu des aspects un peu de thriller un peu vénéneux. On va pas spoiler, mais il y a des trucs qui tournent autour de cette espèce de couple un peu bizarre, où dès qu'on relance un peu le couple, elle va lui faire un peu des trucs, elle va essayer un peu de on n'a pas trop spoilé de l'empoisonné, voilà. Ouais. Et tout le film va être là-dessus. Et moi, les trucs que j'ai relevé en tant que cinéphile, déjà, la femme s'appelle Alma. Quand tu sais que la femme de Hitchcock s'appelait Alma et que le film, c'est presque Hitchcockien, un peu comme les enchaînements d'autres trucs, tu fais « Ouais, quand même, paye ton tribut, paye ton hommage, quoi !» Mais est-ce qu'ils se rencontrent sur un pont, elle et Alma? Non, peut-être. Et qu'il y a une princesse qui crasse dessus. On va inviter les tartes à la mûre. Hein. Donc voilà, c'est un très beau film à revoir. Je sais pas si c'est le meilleur de son réalisateur. J'ai pas tout vu. D'ailleurs, je saurais pas te dire. Moi, j'ai beaucoup aimé celui avec Daniel Day-Lewis, avec le pétrole, là. There Will Be Blood. Ah, pour moi, c'est peut-être plutôt pour moi son sommet. There Will Be Blood, ouais, c'est quand même autre chose, c'est un autre niveau. Ouais, ouais, bah, There Will Be Blood, en plus, c'est un travail, mais c'est mis en scène. Là, c'est beaucoup plus classique dans la forme, quoi. C'est plus un film vénéneux qui va infuser lentement, quoi. Est-ce qu'il est aussi long que Inherent Vice? Je n'ai pas vu Inherent Vice. Ah, parce que celui-là quand même. Mais Inherent Vice, il durait combien de temps? Il faisait, je crois, 2h20, mais au final, les 10 dernières minutes servaient à rien, quoi. Tu retires un peu, là, tu dois retirer 20 minutes, quoi. Dans les 2h. Mais Derrick Blood aussi, c'est super bon. Et voilà. Ouais, donc, mais pour moi, mon point de vue, c'est un bon film. Esthétiquement, il est quand? Parce que moi, j'avais l'impression de loin qu'il avait l'air super beau. Il est super beau et un peu comme Une Fabrique dont on a parlé au PIF, là, dans l'épisode du PIF. Un peu comme Une Fabrique. Il y a tout un aspect avec suivre la trajectoire d'une robe, et sauf que là tu vois vraiment la fabrication. Il va s'attacher, c'est un peu je sais plus quel couturier qui mettait, mais là tu vois vraiment que les robes, il met le nom, il brode en dessous comme si chaque truc avait sa personnalité. Ah. Donc c'est ça que tout un film sur presque un aspect documentaire, un documentaire sur la création d'un vêtement, etc. Et comment un grand couturier a sa propre personnalité. C'est peut-être mieux que peut-être que les deux biopics qu'il y a eu sur Yves Saint Laurent, je sais pas si on peut comparer, je sais pas qu'on puisse comparer, mais pour moi ça se passe encore à un autre niveau, quoi. Parce que là, il y a un travail de fiction avec des biopics qu'il y a eu chez Yves Saint Laurent, ouais. Aussi bien le film avec Pierre Niney que l'autre film avec le film de Bonello. Ah, Bonello, pardon. C'était quasiment presque documentaire, ou pour là même, ça revient un peu comédie, quoi. Et tandis que là, c'est vraiment romantisme, mais avec un aspect documentaire, vraiment une mise en scène. Voilà. Alors, sur les films inutiles de l'année, on a d'abord Taxi 5. Oh là là. Bah écoute, ouais, complètement inutile. Moi je l'ai vu, c'est d'ailleurs le quand je suis rentré du Béarn, c'est le non du Japon plutôt. Ah oui, tu t'es jeté dessus pour le voir. Bah c'est le non mais la hype elle était déjà finie, tu vois. Moi je suis rentré à Paris, genre le lendemain, je dis vas-y, je vais aller au ciné, il Franck restait Gaston quoi bide, Franck Gaston Bide, voilà. Franck Gas dans le bide, ouais. Mais franchement, il est totalement inutile. C'est une opération complètement opportuniste de Besson, mais ça m'étonne même pas, qui surfe en fait sur le succès qu'a remporté le dernier film de Gaston Bide, qui était Pattaya, qui était une œuvre ô combien nécessaire dans l'histoire de la comédie française. Après, le truc, c'est que... Est-ce que c'était aussi qualitatif que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou, Non, c'est, si tu veux, c'est autant inutile, déjà Pattaya, que, par exemple, À bras ouverts, tu vois. Donc, en fait, le truc, c'est que le film, vraiment, se concentre... Enfin, il va chercher dans les anciens épisodes, mais beaucoup dans le 1, en fait. Pour servir de base, avec les mêmes personnages fonctions, les mêmes... comment on appelle ça mêmes interactions, les mêmes schémas que dans le 1 pour les reproduire dans le 5. Est-ce que du coup ça reprend la fin du premier dans la séquence dans le 5? Non, je trouve même que c'est encore plus inutile. Je veux dire, bon, le 4 était totalement inutile. C'est vraiment le truc fallait le faire. C'est en plus qu'ils ont tous vu. Bah ouais, moi je les avais sauf le 3, je les ai tous vus sauf le 3. C'est vrai qu'il y a la pierre philosophale, globalement il aime bien se faire mal. La pierre philosophale du film, ouais. Voilà, mais le truc, si tu veux, c'est que le film, et en tout cas pour Taxi 5, le film penche beaucoup vers le 1. Et du coup, c'est vraiment. Enfin, t'as l'impression de regarder juste une copie, quoi. En plus, les acteurs sont totalement inutiles, je veux dire. Franck Gaston Bic qui est juste qu'on a pas marre de son imitation de Vin Diesel. Et vraiment, mais c'est ça, hein, c'est le mec imite en permanence Vin Diesel. Sabrina Ouazani en espèce de garçon manqué, genre ouais, qui joue une mécanicienne, qui genre est insensible au charme, qui joue une mécanicienne qui est genre insensible au charme de comment ça s'appelle, de Gaston Bide, et qui à la fin tombe dans ses bras. En fait, c'est exactement la même tribu que dans Pattaya, on a pris les mêmes acteurs. Okay, donc non, simplement voilà, le film est totalement inutile, les acteurs sont à la ramasse. Le truc sort sur le 1, franchement, à éviter d'urgence. Voilà. Sinon, on a Predator aussi dans le film inutile de Shane Black. Ouais, The Allez-y. Predator. Allez-y. Histoire The Predator. Parce que avec celui comparé à celui avec Swazi, même au deuxième, le niveau est tombé quand même très très bas. En fait, le truc, j'ai pas vraiment aimé, mais après, bon, j'ai vu le film, j'étais content, et à la fin, j'étais ouais, bon. Ça se regarde, mais ça s'oublie vite aussi. C'est juste que Shane Black voulait faire une comédie. C'est une blague. Et le producteur voulait un film d'action comme pour les autres sur le Predator. Et arrêté, quand tu vois au final, tu vois un film hyper bancal, tu fais ouf. Donc avec des clichés, des trucs attendus, des trucs un peu pour coller à l'époque actuelle, avec une fille qui a jamais tenu de flingue et qui comme par hasard à la fin du film elle est badass, tu fais what. Mais bon voilà, bah, je pense que. J'ai bien aimé ça, je pense que t'es un peu schizo entre le fait que c'est très 90. Je pense que. Et en même temps c'est très. Il y a plus de clichés des années 2010. Tu veux en dire un mot ou pas? Parce que moi je me sens que je me fais du mal là. Tu veux en dire un mot ou. À ce point là, non mais c'est un film complètement tiep. Mais en même temps il a plein de. Comment dire, de. Private jokes hier. Trop de méta du méta par moment. Donc. Et donc pour conclure cette rétro de 2018. On va aborder les films à retenir du coup. Donc, assez rapidement, Les Indestructibles 2. Ça reprend un peu la suite du premier, quoi, presque juste après. Juste après. En collant à l'époque actuelle avec. Là, donc, du coup, c'est une héroïne, c'est plus Monsieur Bob Parr qui est le héros un peu. Ouais. Mais ça reprend, comme pour le premier Indestructible, toute la famille qui s'unit contre le mal, tout ça. Et c'est vrai ce que Pixar sait faire de mieux. Bon divertissement et des scènes d'action, des mises en scène bien rythmées, tout ça. Donc et ça fait plaisir parce que le voyage d'Arlo, ça faisait mal. Vice versa, c'était très bien, mais je crois que je m'en rappelle plus trop et un peu zigzagué quoi vers la fin. Donc ça fait vraiment plaisir les Indestructibles 2 quoi. Bon, très bon Pixar. Très très bon, très très bon Pixar, bien rythmé, bien drôle. Moi, figure-toi, j'avais pas vu le 1. J'avais pas vu le 1, j'ai vu le 2 et je l'ai vu depuis. Et franchement. Celui-là, il vieillit bien en plus. Surtout, c'est le renouvellement qui a été fait. Le film a su se renouveler, a su créer un nouveau rythme, a su créer des nouveaux enjeux. Et franchement, rien que pour ça, c'est vraiment le retour de Pixar au top. Quoi. Ouais, c'est une vraie suite au sens où ça a une vraie suite qui va nous surprendre. Parce que maintenant, les suites, ça ne nous surprend plus trop. Parce que les trucs, c'est des points zéro ou des trucs, etc. Ou des prequels. C'est ou quoi, ça. Quoi. Et là, c'est une vraie suite qui assume. Donc, ça, c'est génial. Ouais. Dans les films à retenir, on a un Frenchie, le grand bain. Ah si je peux commencer. Vas-y. Là, en fait, le film qui se veut un peu être un film choral, quoi, avec plein de personnages, etc. Et ben en fait, ce qui est vraiment bien, c'est que tout est bien résumé pour chaque personnage. On n'a pas besoin de s'attarder sur chacun pendant des heures. Chacun est bien écrit. Ouais, chacun est bien écrit, chacun est bien interprété. Moi, Mathieu Amalric qui joue le dépressif. Et qui au final, quand tu regardes le film, tu t'aperçois qu'en fait, dans tout son monde à lui, c'est le seul qui est normal. Ouais. Et ben franchement, c'est énorme. Et tous les gags, les séquences d'humour absurde marchent du tonnerre dans le film. Ils ont chacun une petite scène de gloire. Ouais, complètement. Mention spéciale avec Amalric et son beau-frère sur le canapé qui commence à dire les canapés. Je fais oh putain, ça y est. Celle-là, j'ai adoré quoi. Mais surtout. Tout à l'heure on parlait de Quentin Tarantino et de la musique. Ouais. Film. Et bah Gilles Lelouch, parce que moi j'avais vu Narco, mais il avait fait en tandem avec un autre mec. Son premier film, non, Narco. Ouais. Et voilà. Il en avait pas refait depuis. Et ben Gilles Lelouch, il a déjà dans Narco, la BO elle était super. Et ben franchement, il a confirmé avec Le Grand Bain. Et c'est vraiment, moi, le film français qui m'a marqué cette année, c'est vraiment celui-là, et il est vraiment très drôle. Voilà. C'est un très bon divertissement. Et d'ailleurs, il y a son film sur Phil Collins, c'est top. Ouais, complètement, sur Easy Lover, c'est mortel. Deuxième Frenchie, au poste, Quentin Dupieux. Ah, lui, il l'a vu pas mal. Alors, je vais peut-être aussi l'avoir vu. Non, je l'ai vu. Alors, Quentin Dupieux, en plus, je connais mal, mais apparemment, beaucoup disent qu'ils sont peut-être un peu plus accessibles. Donc ça tombe bien. C'est vrai que ceux qui parlent le moins cacahuètes. Et puis il y a des grands clins d'œil à la fois au film ancien, film français des années 70, rien que l'affiche qui reprend. Non, pas regarde, vu Perce la ville qui reprend l'affiche de Perce la ville avec Bébel. Et là, c'est avec Paul Vord et puis l'autre acteur qui s'appelle. Grégoire Ludic. Ludic, c'est ça. Et tout va jouer sur cet aspect totalement absurde avec les interactions entre personnages. Par exemple, il y a même Aurel San qui vient et son personnage est tout aussi absurde que les autres. Quoi. C'est, tu te dis, what? J'ai absolument pas compris ce qu'il vient en fait. Voilà, et c'est ça qui est très bien. Et tu vois un truc absurde et on accrochera ou pas. Mais moi, j'ai bien aimé que le film soit complètement ça du début à la fin. Quoi. Que c'est complètement absurde avec des petits trucs et puis drôles ou trucs que. Fallait y penser quoi, avec le mec qui a le moins, tu te dis, il va faire une justification, il va jouer là-dessus. En plus, son maquillage qui est dégueulasse. Et oui, et ça, il en joue, c'est fait exprès quoi, c'est ça qui est gros. Ouais, c'est la façon qu'il a de. Ouais, donc, très bonne surprise quoi. Voilà. C'est assez énorme. Et en plus, ce que j'aime bien chez Dupieux, c'est qu'il arrive vraiment à mixer un truc complètement absurde, mais en même temps, ça a du sens quand il casse le quatrième mur. Ça veut bien dire quand même que oui, c'est habitué en plus, j'ai cassé quelque chose. Ouais, c'est ça, mais vraiment quand je casse comme si c'était une scène de théâtre, quoi. Ouais. C'est pas un gros spoiler, c'est absurde, je pense. Et, oui, ça gâche pas. Et du coup, en fait, ça veut aussi dire que, pour moi, c'est pour ça que je comprends que tout le commissariat, tout le genre c'est un jeu avec le policier, c'est aussi une idée sur la police, c'est que tout le jeu entre le policier et le suspect, tout le jeu d'enquête, etc., il y a un côté très théâtral, très, comment dire, très mise en scène. C'est la mise en scène aussi. Moi, je le vois, c'est comme pour dire au spectateur avec un petit clin d'œil. Ouais, c'est de la comédie, mais la vie est une comédie, mec. Et je retiens comme 2-3 idées visuelles, notamment l'horloge qui passe très très vite pour. Oui, c'est au top. Au poste. Et là, c'est le grand chelem, troisième Frenchie. Wow. The Slam, Pascal Laugier. Ah, aucun rapport. Non, regarde, on va sur la comédie et sur. Ah oui. Et sur Mylène Farmer, quoi, qui a la comédie, c'est que Manuel Valls est un. Et ben, mine de rien, elle se débrouille pas si mal, en fait, dans Ghost Land. En fait, je m'attendais à pire et elle est pas si mal dedans. Après, elle joue un rôle assez sobre, mais d'une manière générale, le film, il a une facture de assez classique. Et en même temps, il est assez, il y a tout un côté onirique en fait, un peu dark onirique, mais tout un côté onirique. Et je trouve que c'est un beau film en fait. Vraiment, qu'est-ce qu'il y a toujours mettre des jeunes filles dans ces films en fait. Il y a un truc sur les jeunes filles, c'est quand même assez particulier. Bah, le secret, c'était pas tout à fait ça. C'est genre le personnage de Jessica Biel, c'est quand même une femme adulte, accomplie. C'est pas du tout. C'est des qui se fait capturer, kidnapper dans le secret, non? Star Wars, mais t'as fini! Ah! Dans les spoils et people, mais à chaque fois on met des alertes. Mais non, par contre, c'est vrai que du coup, ces personnages sont souvent féminins, en tout cas d'une manière générale. Peut-être que ça touche en fait les personnages féminins. Moi, c'est peut-être comme une farmer, c'est le côté justement à la fois fort, fragilité. Comme Luc Besson aussi fait ça. Ouais, oui, il fait beaucoup de choses. Donc voilà, moi je trouve que c'est un beau projet en fait, qui est quasiment une unité de lieu en fait, par deux trois trucs dans une espèce de rêve flashback. Moi j'aime beaucoup que les psychopathes, ils sont quand même bien leur cliché quoi. Ils sont, clichés, mais en même temps ils sont quand même pas mal. Hein. Moi, ça me faisait penser à l'esprit criminel. Tu sais, ils montrent comme ça des gros psychos, mais vraiment, mais même en Picardie, tu vois pas des mecs comme ça. Non, la Picardie tout de suite. Non, mais parce que même en Belgique. Nord pas de Calais, mais ouais, en Belgique. Ils vont venir te faire la pouche et tout. Non, mais même Francis Homme, il voit ça, il dit, oh putain, c'est chaud. Ouais, quand même. Non, mais il a une casting intéressante parce qu'entreprendre Mylène Farmer, entreprendre la personne qui joue son personnage principal dans la version adulte, c'est une meuf qui sort de la télé, qui a fait des teen séries. Donc en fait, il y a un espèce de mélange de casting comme ça, en fait, où finalement il. Se baigner dans son vierge, ça conserve, parce que Mylène Farmer, elle est bien. Je pense que le maquillage est pas beaucoup. Bref! Donc Ghost Land, ouais. Film de genre de l'année, français, non? Bah, meilleur, je sais pas, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est allez, pas mal. Allez, francophone. Ah, j'ai vendu. Roma. Hein? Roma de Alfonso Cuarón. Est-ce qu'on a encore vu? Tout le monde ne voit pas un film d'avant en avant-première. Excusez-moi. Tout le monde est invité dans les grands. Il est sorti le 14 décembre sur Netflix, donc il est pour cette année. Voilà, et le temps qu'on a posté le post-épisode, là, peut-être que les gens l'ont vu. C'est ça. Et Roma est extrêmement beau. C'est, en fait, il est en noir et blanc déjà. Et même Gravity, la photographie était magnifique, quoi. Ouais, ouais, mais en fait, le truc, c'est que il est extrêmement beau et c'est un noir et blanc. On sent qu'il a vachement travaillé. Alors, j'ai pas vérifié si c'est de l'argentique ou du numérique, mais même dans son noir et blanc, on ressent un truc de cette époque. C'est-à-dire que t'as l'impression de voir un film. Avec un éclairage 70. Il a voulu retourner au noir et blanc qu'il y avait dans les films des années 50-60, avec le noir et blanc qui est magnifique. Et c'est très très beau, mais de la première à la dernière image, tout est très beau, c'est magnifique. Et en fait, la manière dont il a travaillé ses personnages, l'action de ses personnages, on n'en perd pas une miette. Et pourtant, ça ne fait que raconter la vie d'une famille. Quoi. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a tout un long plan. Ouais, mais il y a. Non, il y a vraiment. C'est vraiment. C'est le truc, en fait, tu vois le résumé, tu te dis, mouf. Et en fait, putain, mais tu commences à regarder, tu es scotché devant. Déjà parce que son personnage principal, il a que des actrices et des acteurs qui sont pas connus. Donc du coup, tu te concentres sur l'histoire. Ouais. Et son actrice, mais elle est parfaite. Hein, c'est ça les grands réalisateurs, mais ça défile le talent. Ouais, non, mais c'est... Il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de... Le film est bien rythmé, il n'y a pas de... Mais non, c'est ça qui est dingue, c'est que ça raconte des trucs. En fait, il se passe toujours un truc. Et même quand il te fait... Quand, justement, à un moment, il a un plan au début où t'as son personnage principal qui fait tout le tour de la maison pour éteindre toutes les lumières. C'est très con, mais c'est un long plan séquence. Et tu le suis, et ça n'est pas chiant. Non, parce que c'est filmé. C'est tellement beau et tellement passionnant qu'il s'est filmé. Comme tous les plans de... Comme tous les films, hein, parce que Quaron, il c'est le pro du plan séquence. Quoi. Ouais. Et puis ça va faire un super plan pour une pub, pour Nicolas Hulot, pour penser à éteindre. Ouais, exactement. C'est normal, hein. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur Mélanie Laurent? Non, c'est bon, je crois que tout le monde en a dit un truc. Oui, on va aller par mon gars dessus. Disons qu'elle a bien honoré sa réputation. Ouais, tu m'étonnes. Des meufs. On a... Attention, Suspiria! Alors, Suspiria, j'ai bien peur d'être le seul à avoir vu le Suspiria de version 2018. Donc, on va faire court aussi. Alors, si vous êtes Suspiria d'Argento, si pour vous c'était votre film préféré, votre film de chevet, etc., il y a une chance sur deux que vous n'aimez pas le film. Parce que la nouvelle version de 2018 de Suspiria, c'est une réinvention totale. Il garde la structure avec école de danse sorcière. Mmh. Et là, il n'y a plus aucune surprise. Dans le film d'Argento, c'était la surprise, etc., avec comment elle allait de plus en plus. Aller dans les bas-fonds avec les sorcières, découvrir le truc. Là, ici, on sait dès le début que ça va être des sorcières. Tout le film, ça va être un parcours initiatique avec la danse. Mais comment la danse va être une possession, comment la sorcellerie s'empare de la danse. À un moment, il y a quelqu'un qui contrôle la distance avec la danse de quelqu'un d'une autre personne. Ouais. Et là, c'est impressionnant, ça, la séquence de danse, faut chorégraphier, tout ça. Et là aussi, je ne vais pas trop en dire, mais la musique de Thom Yorke est vraiment pas mal du tout. La mise en scène est parfois impressionnante, la mise en scène est très impressionnante. Tout le film se base sur le gestuel, il y a des trucs qui sont vraiment pas mal du tout. Il y a une intrigue ou deux qu'on pourrait trouver un peu superflu, ça c'est personnellement, mais j'ai des amis qui ont beaucoup aimé, il y a une petite intrigue en plus qui greffe. Mais le film a des niveaux de lecture, il y a des gens qui ont retiré des trucs, donc il est très riche, tout ça, il est vraiment passionnant. Après, il faut pas se mettre dans la tête que tu vas trouver la même chose que l'Argento. C'est vraiment autre chose esthétique. Sauf, un peu à la fin, il reprend les lumières rouges comme chez Argento, tu fais ah! Clin d'œil. Ouais, mais il reprend cette Jessica Harper pour un très court plan, prêt pour caméo. Mmh. C'est un petit clin d'œil. Mais sinon, le film, c'est une réinvention totale et c'est vraiment pour ça que ça vaut la peine d'être vu, pour l'audace du truc qui arrive à être passionnante au final. Donc pour toi, c'est un des films qu'il faut absolument retenir. Moi, c'est un film à retenir dans l'année. Mmh. On verra dans quelques années plus tard si les gens s'y viendront, mais je pense qu'il a marqué l'année 2018, quoi, en bien ou en mal. Mmh. D'accord. Et attention, en dernier film, on a Under the Silver Lake. Ah. David Robert Mitchell. Mitigé. Alors moi j'ai bien aimé moi. Toi t'es mitigé. Ah non, je parlais globalement. Est-ce que tu l'avais vu après que j'en ai parlé un petit peu ou pas? Non, parce que c'est un film à retenir. Ah. L'avais vu avant toi. Parce que le film je le trouve tellement riche que même le fait d'en avoir parlé un peu de Minute Mio, il y a encore beaucoup de trucs qu'on pourrait dégager sur le film. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Nelson. Ouais, mais alors. Mais moi personnellement, c'est après en avoir discuté avec un mec, après la diffusion, c'était à la Colo Panique Roma, il me semble. C'était une avant-première. Ah, une avant-première, pardon. Ah, c'était l'ouverture, ouais. Je crois que c'était l'ouverture de la Colo Panique Roma, ouais. Bonjour Panique Roma. Bah, c'était une avant-première et l'ouverture. Voilà, en fait, j'en avais parlé avec un mec et en réalité, ce film décrit vraiment l'effondrement du monde d'un gars, tu vois, et d'un mec qui essaie de se raccrocher à des choses qui sont complètement qui tiennent de l'irrationnel et de la cinéphilie aussi. Ouais, et de la cinéphilie et même du jeu vidéo. Ouais, voilà, qui tiennent de l'irrationnel et le type essaie de se reconstruire un monde qui s'écroule à chaque coup. Parce que ce sont des illusions et t'as beau voilà. Des illusions à la fin. Et voilà et la fin traduit vraiment ce truc. Mais moi j'ai pitié pour lui quoi, ça te fait un peu mal pour lui. Même quand je m'en fous, je spoil mais. Non le spoil pas trop. Mais, voilà, mais quand il retrouve la meuf, voilà, cette séquence, elle m'a ça m'a fendu de cœur parce moi, que. Moi j'étais ému, ouais. Systématiquement le mec essaie de reconstruire un truc, c'est vraiment c'est le schéma en fait de pensée. Tu vois, des mecs genre des complotistes ou des survivalistes, tu vois, c'est le même schéma de pensée, c'est-à-dire que tout a une signification et tout le monde nous en veut. Le pire, c'est que dans le film, en plus, tout a une signification, ouais, c'est ça qui est génial. Ouais, mais justement, c'est comme tu sais, c'est du néo-noir, donc t'as des tas de petits indices qui sont des fausses pistes, etc. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que dans Air Royal, j'ai tout de suite compris qu'il y avait plein de trucs qui étaient des faux indices. Oui, mais Ambiance Rivalet qui est beaucoup plus subtil. Ouais, qui est beaucoup plus subtil. Plus défoncé. Ouais, et au final, le film, il a énormément d'interprétations. Et quand tu discutes, tu échanges avec les gens, tout le monde ne voit pas la même chose. Et au final, moi, c'est en échangeant avec les gens que moi, je me suis fait... Et il avait raison, Réal, quand il a fait l'avant-première, c'est qu'en réalité, parlez-en entre vous. Tu vois, parlez-en entre vous, parce que tout le monde n'aura pas la même signification du film. Ouais. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, il a réussi à même en laissant laisser une porte ouverte, malgré que le truc est vraiment fermé, etc. Il laisse pas mal le part de la subjectivité. Voilà, il y a une part de subjectivité et d'analyse. Merde. ça, c'est le daron, ça. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, on coupera. Non, pas forcément. Vas-y. Ouais, bah, en tout cas, voilà. That's life. Le truc, il est que voilà. En tout cas, quand tu regardes le film, tu dois te faire ton analyse. Et moi, j'aime bien ce genre de truc-là. C'est quand le réal, il te dit voilà. Maintenant, je te laisse les cartes, c'est toi qui réfléchis. Et ouais. Le film, en plus, c'est vraiment son bravo. La séquence de la femme chouette, on va pas trop développer ce que c'est, ouais. Mais moi j'ai quand même l'impression d'être dans un film de David Lynch, j'étais waouh. Tout est une chienne globalement, et c'est pas la femme chouette Non mais non. Justement, en plus, ça c'est comme dans le film qui développe des légendes urbaines, et comme on a dit que plusieurs pistes pouvaient se révéler complètement vraies et exister à l'image, et là c'est une légende urbaine qui prend vite sous tes yeux, tu fais what ouais. Comme le tueur de chien, qu'on a l'impression qu'on pourrait croiser un rond des tours, quoi. D'ailleurs, on sait même pas si le tueur de chien c'est le perso ou pas. C'est ça qui est. Même il fait un cauchemar avec le chien, quoi. Mais c'est des hallucinations en fait. Non, et puis il y a toute une parodie justement de la société de Los Angeles, de Hollywood, etc. Et beaucoup de. Justement, il y a plein de périodes, il y a les années 50, 70, 80, il y a la paranoïa avec les communistes, il y a tout le macartisme, il y a tout ça qui revient. Chaque détail pourrait même être analysé. Tu sais qu'à un moment, une séquence avec un drone et avec une nana et qu'il filme comme des gros voyeurs. Mais t'as l'impression que la nana elle voit un truc presque hors champ du côté gauche, je crois qu'elle lui fait peur. Et elle est vraiment terrorisée comme si avec un gars qui devait lui donner des ordres, etc. Ouais. Et moi ça m'a choqué parce que j'ai vu le film deux fois, donc truc qui m'avait un peu intrigué la première fois, et quand j'ai vu la deuxième fois j'étais un peu. Voilà. Il y a plein de détails dans le film. Moi ça quelque chose qui dans l'imaginaire américain, dont parlait comment il s'appelle le réalisateur de. David Cameron Mitchell. Peut-être que je confonds avec le réalisateur de son président. Non mais t'es trop chaud toi. T'es trop chaud. Le réalisateur d'Exorcisme, Friedkin. Friedkin disait qu'il détestait Los Angeles parce que pour lui c'était une ville du fantasme, c'était une ville irréelle. Et c'est ça. Et ce que tu vois aussi dans Mulholland Drive par exemple, c'est-à-dire que à un moment la réalité devient pas très stable. Tellement ça bouge vite et il y a tellement de trucs aberrants en même temps. Tu peux te faire par exemple, quand t'es acteur, tu peux par exemple te faire blacklister sans que tu saches vraiment pourquoi. T'es toujours dans un mode de recherche de paranoïa et tout. Même le privé avec Elliot Gould, quand t'es enquête, parce que j'ai repensé quand j'avais eu Wonder Silver Lake, là une enquête aussi. Le privé il est complètement presque déconnecté, Elliot Gould dans le film. Et ça retranscrit bien cet aspect années 70, mais à Couville complètement. What the fuck quoi. Mais même le père. Enfin il y a certaines séquences, mais la séquence avec le pianiste là. Ah oui. C'est complètement fou quoi. Ouais. Bref, un film hyper riche continuera de disséquer encore un petit moment quoi. Je pense aussi. Voilà. Bon, et Elkatou, est-ce qu'on a fait le tour? On a fait le tour, ouais. Est-ce que vous avez spécialement un ou deux titres à dire à conseiller. Après, il y a peut-être d'autres films, mais... Oui, qu'on n'aura pas cité. Hein. Or Jacques et Michel, on est d'accord. Ouais, ouais, non, mais ouais, des films qui sortiront pas forcément en salle. Moi, j'en ai parlé un peu lors de l'épisode du PIF. Il y avait Une Fabrique, pour moi, un des films de l'année. Mais il sortira peut-être pas en salle. Ou alors peut-être sera en 2019, on sait pas trop. Donc voilà, il y a d'autres films aussi. J'ai beaucoup aimé Invasion de Kiyoshi Kurosawa, que j'ai évoqué juste avant, rapidement. Voilà, qui pour moi aussi à voir. Mais voilà, je pense qu'il y a peut-être d'autres films qui vous traversent l'esprit. J'ai pas vraiment de trucs. Si, quoique, moi j'ai vu récemment. Par exemple. Moi j'ai vu récemment La vie est belle de Frank Capra, qui est un film des années 40. J'avais jamais vu avant. Toujours Panic Roma. Ouais, toujours bonjour Panic Roma. Voilà, c'est notre sponsor. Non, voilà, je l'ai vu récemment. Et ça, comment dire. Moi à l'époque, j'avais découvert un ersatz de ce film qui était dans un épisode des Routes du Paradis avec Jack London et Victor French. Donc pour ceux qui se souviennent pas, c'est comment il s'appelle, Isaiah Edwards, c'est merde. C'était la série qui passait en quand il y avait, quand ils avaient fini la maison de la, voilà, la petite maison de la prairie, Charlie Gage, voilà, ils repassaient tous les Routes du Paradis, voilà. C'était en binôme avec C'était avec l'acteur qui jouait Charlie Gals et celui qui jouait Isaiah Edwards, le barbu, quoi. Voilà, mais Michael London et voilà. Ah, c'est ton ami. Mais le problème, en fait, enfin, le film, comment dire, moi j'avais découvert ça par ce film-là et je savais pas du tout que c'était justement La vie est belle. Et vraiment, j'ai adoré ce film. Donc franchement, si ceux qui peuvent, rematez-le, parce que ceux qui l'ont pas vu, regardez-le. Et rematez-le, ceux qui l'ont déjà vu, parce que franchement, ça. Il est ultra cité, ultra parodié dans la culture américaine. Ouais. Bah, du coup, moi, je rebondis sur Panic Chroma aussi, parce que merci Panic Chroma pour Buffet Froid, que j'ai toujours voulu voir, que j'ai enfin pu voir. Et toi, Gaudi ? Vous filez un chèque après, bien sûr. Voilà. Non, je sais pas. Moi, j'ai Tous les deux du ciel de Quarks, en fait. Voilà. J'en attends derrière, parce que j'ai jamais rien vu de Quarks. J'ai pas vu le court métrage qui est adapté de la belge. Ouais, mais et en fait il est passé au PIF et bonne surprise, hein, voilà. Donc je l'ai évoqué dans la vidéo du PIF, voilà. Il y a Freaks. Donc dès qu'il sort, Freaks c'est pas mal aussi en termes de PIF. Bah, moi je trouve que c'est le meilleur film de super-héros que j'ai vu depuis très longtemps. Mais en fait, les seuls films de super-héros que j'aime vraiment, c'est ceux qui sont pas tout à fait dans le genre, c'est-à-dire Split et Incassable, quoi. C'est là qu'on peut renvoyer à notre vidéo du PIF, parce que c'est vrai que cette année il y avait des trucs. Il y avait des trucs assez sympas. Ouais, c'est aussi des trucs super. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Sur ce, messieurs, dames, je pense qu'on va vous quitter. Sur un joyeux Noël. Sur un joyeux Noël, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on se revoit quoi en janvier 2019, j'espère. Ok. Bon. Cher ami, à bientôt. Ciao. Cher ami, à bientôt. Au revoir, mon cher. Peace. Salut.